Sentiment d'inachevé, éternel accompli. J'ai toujours fait passer ton bien-être, bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. Ama, âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté de mon adolescence passée. Mwana ya Marie, mana kini baby. Et je me suis paix à paix, un prix d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts, rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni nyango boyo, a préféré aussi la nao. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent, bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé. Mais qu'à côté que l'engan d'un bois souvenir. De temps en temps, Atana Mosika, Tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Comme le soleil, tu m'as ébloui les yeux. Les froids me brûlent. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant.